elle prête l'oreille. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, resplendis entre les chérubins, réveille ta puissance pour nous sauver. Ses rameaux jusqu'à la mer, ses branches.